Voilà, bon, bah, je te laisse la parole. Donc bonjour, excusez-moi, je suis en retard. Nice, ville ultra connectée en échec. Bon, à Nice, une personne seule a pu, avec un camion poids lourd, faucher plus de 80 personnes sur 1,7 km avant d'être arrêtée par des policiers qui lui ont couru après, sur 300 mètres. Pourquoi ? Dans le livre L'homme nu, La dictature invisible du numérique, de Marc Duguin et Christophe Labbé, que j'avais lu quelques semaines avant, enfin quelques mois avant la catastrophe, la tragédie. Voilà ce que j'ai lu. Des voitures autonomes qui circuleront dans des villes intelligentes. Telle est bien l'une des ambitions des big data. Bâtir la cité radieuse où les lampadaires, comme les trottoirs, seront des mouchards. Nice a ainsi inauguré en mai 2013 le premier boulevard connecté d'Europe. La chaussée, les réverbères, les conteneurs à ordures ont été farcis de capteurs qui analysent en temps réel le trafic, la qualité de l'air, le bruit ambiant, la température. Les poubelles, lorsqu'elles sont pleines, alertent les services de propreté. La luminosité des trottoirs est modulée en fonction du nombre de piétons. La ville est truffée de caméras intelligentes capables de lire sur les lèvres à 200 mètres. Ce mobilier urbain qui communique en Wi-Fi renseigne un ordinateur central qui pilote la ville. Donc le démiurge, c'est-à-dire l'architecte de ce nouveau monde, c'est Christian Estrosi, ancien maire de la ville de Nice pendant des années et qui a dû lâcher le poste de maire pour prendre la présidence de la région PACA. Il est resté néanmoins actif puisqu'il est encore aujourd'hui adjoint à la sécurité. Donc, quand il attaque le gouvernement sur ce qui s'est passé, on peut dire qu'en fait, il est vraiment co-responsable. Et pourquoi ? Au Salon des maires, j'ai assisté à une conférence faite par le directeur de la sécurité de Engie. Engie, c'est anciennement GDF Suez, Gaz de France. Donc, c'était une société qui faisait du gaz. Mais il faut savoir que maintenant, la ville connectée, c'est la nouvelle lubie des sociétés de services qui travaillent avec les collectivités locales. Et ce directeur de la sécurité était tout fier de parler de de tout l'attirail de sécurité connectée qu'il avait fourni à la ville de Nice. Et donc, quand j'ai appris ce qui s'est passé, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas surprenant qu'il n'y ait que deux personnes, enfin deux flics municipaux. Vous savez qu'en fait, il y a eu des accords entre la police municipale et la police nationale quelques jours avant dans des réunions, où à 20h30, la police nationale a été relevée par la police municipale. Et la police municipale, finalement, Libération a révélé qu'il y avait deux policiers municipaux à l'entrée de là où les voitures donc devaient être déviées. Mais alors, vous étiez où, les 42 policiers municipaux ? Eh bien, je pense qu'ils étaient, en fait, derrière les écrans auxquels sont reliées les caméras de la ville. Ces fameuses caméras qui sont capables de lire sur les lèvres à 200 mètres. Et ce qu'on voit en fait à travers ça, c'est que ce monde connecté qui fait qu'on est complètement déconnecté en fait de la réalité, on n'est plus sur le terrain, eh bien il y a des... comme on ne peut jamais savoir finalement où ça va tomber, mais s'il y a personne... Alors pourquoi est-ce que ça m'a particulièrement frappé ? Parce que la veille, je suis allée au bal des pompiers dans la ville où j'habite et on devait passer par une petite rue, toute petite rue. Mais ce qu'avaient fait les pompiers, c'est qu'ils avaient mis une voiture de pompiers en travers, enfin un camion de pompiers en travers. Ce qui fait qu'on pouvait passer que sur les trottoirs, qui étaient très très étroits. Et quand j'ai vu ça, moi j'ai même pas compris à quoi ça servait. C'est que le lendemain, quand la tragédie Nice est arrivée, que j'ai compris qu'en fait les pompiers, eux, ils avaient anticipé qu'un véhicule pourrait éventuellement pénétrer et attaquer la foule. Donc si des simples pompiers dans une ville de banlieue sont capables de penser à ça, comment se fait-il que là où un endroit où il y a 30 000 personnes, eh ben, on n'y pense plus. On n'y pense plus pourquoi ? Parce que on est parti dans un autre monde. Alors la ville de Nice se gargarise en fait d'être une ville intelligente. Sur le site de la ville de Nice en mars 2016, Nice, ville intelligente, une stratégie payante. Ils ont même été félicités par le gouvernement pour ça. C'est la cinquième ville connectée du monde. Le projet de boulevard connecté, par contre, de Cisco a valu à la ville de Nice un reportage d'envoyé spécial sur les failles de sécurité. Et alors donc on voit dans ce reportage d'Envoyé spécial, c'est super intéressant, une journaliste qui en fait, avec un pirate, qui arrive avec, je sais pas comment il fait, mais bref, il arrive à payer son stationnement, 20 centimes seulement, mais bon, avec sa carte bancaire, alors qu'elle lui a pas donné sa carte bancaire. Et donc après, elle demande à en parler avec un responsable de la ville. Et ce responsable, ben, en fait, c'est Christian Estrosi lui-même qui veut répondre. Et quand elle le met en face du fait, eh bien, il dit que non, c'est pas possible et il s'en va. Mais après, elle montre bien son relevé bancaire où il y a bien eu, en fait, le débit. Donc, en fait, mis en face de cette évidence, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a nié les faits. Et quelques temps après, il a envoyé un courrier qui disait que non, il n'y avait absolument aucun problème, aucune faille de sécurité. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, la ville de Nice, elle est en avance en fait, et que en avance dans le sens où les grosses boîtes, c'est ce qu'elles veulent mettre partout. Et au Salon des maires, c'était vraiment clair, la ville connectée, ville de demain. Alors il y a le bâtiment intelligent, la ville connectée, des capteurs partout. On a vu aussi déjà ce que ça donne pendant les inondations, parce que c'est aussi parce qu'il y avait un capteur qui donnait des fausses informations, qui était à la gare d'Austerlitz, qu'ils n'ont pas en fait anticipé le niveau réel de la montée des eaux. Et ce nouveau monde que des ingénieurs 3D nous concoctent, eh bien, alors il y a d'autres éléments sur Nice que je voulais vous mettre, enfin sur lesquels je voulais attirer votre attention. Parce que, bon, on peut se dire que, parce que j'ai reçu un mail, si vous voulez, quand j'ai envoyé des informations là-dessus à tout mon carnet d'adresse, il y a une personne qui m'a répondu, je suis niçoise et en deuil, ne m'envoyez rien sur ce qui s'est passé, jeter de l'huile sur le feu n'est absolument pas intelligent. De plus, je suis psychologue et mobilisée pour les victimes, et franchement, il n'y a qu'un seul coupable ici, c'est le chauffeur. Et alors, donc je lui ai présenté mes condoléances, mais... je lui ai aussi apporté des informations complémentaires. Par exemple, et là je pense qu'on est en plein dans les sujets habituels de Nuit Debout. Si un chauffeur, un homme seul, en fait, a pu louer un camion de 19 tonnes sans que cela ne pose question au loueur, c'est à cause de l'auto-entrepreneuriat. Du temps où tous les salariés étaient embauchés dans des entreprises, c'était que les entreprises qui louaient les camions, pas des personnes seules. Donc déjà, on voit comment, finalement, cette transformation de la société permet des nouvelles façons d'agir. Et donc, voilà. Alors après, donc... et je voudrais vous dire un autre truc qui par rapport à un autre événement qui s'est produit aussi dans le même style. C'est par rapport à ce qui s'est passé avec la Germanwings. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'ai lu dans une sélection du Reader's Digest... que Kennedy, quand il avait autorisé le développement de l'aviation civile, il avait posé une condition. Cette condition, c'était « je veux zéro mort ». Et les galons, les hauts salaires, les conditions de vie appréciables et enviables des pilotes, la considération qui leur était portée aussi avant l'émergence des compagnies low cost, faisait partie du tableau psychologique qui garantissait que les pilotes n'allaient pas sombrer dans la dépression. Et justement, le pilote de la Germanwings, lui, il était en dépression, mais il n'avait pas toute cette considération. Il a même, d'ailleurs, avant son acte, parlé à ses proches des difficultés des conditions de travail. Et si les compagnies low-cost n'avaient pas existé, il n'aurait jamais pu être pilote, puisqu'il n'avait en fait pas les caractéristiques requises. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur une compagnie low-cost, et non pas une compagnie régulière. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui s'est passé à Nice... à travers ces changements de société, eh ben on voit qu'il n'y a pas que... Il y a une autre question moi, que je me suis posée, c'est que le gars, il était connu pour... Enfin, il était justement pas connu pour ça, mais on a su après qu'il battait sa femme, qu'il avait abîmé les jouets de ses enfants, etc. En réalité, en psychologie, on appelle ça quelqu'un de borderline. Une personne borderline, elle peut très bien, et c'est un autre mail qui m'a été envoyé, qui a attiré mon attention là-dessus, être aussi complètement déstabilisée part le fait que dans une ville connectée, il y a beaucoup d'ondes. Et ça agit aussi sur la psychologie des personnes. Et ça peut les faire basculer tout à fait dans autre chose. Une personne borderline, c'est une personne qui est un petit peu originale, se comporte un petit peu bizarrement, mais pas suffisamment pour être suivi en psychiatrie ou hospitalisé. Et il semblerait que ce tueur était en fait borderline. Et il est fort possible que le fait que cette ville soit hyper connectée ait contribué à le rendre encore plus déséquilibré. Donc ça, c'est donc les différentes causes possibles de ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, ce qui est clair, c'est que le maire de Nice a une très très grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que en comptant uniquement finalement sur ses caméras, eh bien, il a oublié le monde réel. Et c'est Demiurge qui conçoivent le monde des objets connectés. C'est des gens qui sont en fait pas du tout sur le terrain, hein, parce qu'on va dire oui, mais il y a toujours eu des problèmes au début, quand il y a des nouvelles technologies, ça a toujours causé des problèmes. Mais auparavant, quand c'était des inventeurs, c'était les inventeurs eux-mêmes, ils avaient les mains dedans, donc ils arrivaient toujours à trouver des solutions. Mais là, maintenant, on passe dans complètement autre chose. C'est des gens qui sont complètement déconnectés et qui conçoivent un autre monde. Du temps où, par exemple, ça a toujours existé, les chercheurs qui cherchent des chimères. Par exemple, ITER, c'est complètement une chimère. La façon de la fission nucléaire, la fusion nucléaire plutôt. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des températures sur Terre aussi élevées que sur le Soleil pour fabriquer de l'électricité. Mais là, à ce moment-là, c'est des ingénieurs qui ne s'occupent, ils sont dans leur laboratoire, ils ne s'occupent pas d'organiser notre réel. Et donc là, quand ils se mettent maintenant à organiser notre réel, eh bien, on se retrouve dans des situations comme ce qui s'est passé à Nice. Bon, j'ai pas été très bonne, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'était bien, c'était important, c'est ce qu'il fallait dire. Non, par rapport à ce qu'a dit la jeune femme, je voudrais ajouter quelque chose. Alors, ça ne va pas être très bien perçu à Nuit Debout, parce que quand même, il y a eu le problème des violences policières. Et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais j'espère que ça a une certaine cohérence. Et si je dis une bêtise, bah, vous êtes là pour me répondre. C'est que, bon, alors, elle a avancé un certain nombre d'arguments, mais j'en ajouterai un autre. C'est qu'en fait, ça a été également prouvé, ça, les nouvelles technologies vont provoquer énormément de licenciements, des millions d'emplois vont être supprimés, en espérant qu'il y aura, bien sûr, des formations qui permettront de compenser cela. Bon, ça, c'est une question. Enfin, il faut y réfléchir. Les nouvelles technologies, tout le monde ne sera pas formé, rompu à devenir informaticien, programmeur, etc. Donc, il y aura de plus en plus de gens qui seront laissés sur le carreau. Il se trouve que mademoiselle a dit qu'il y avait seulement deux policiers sur le terrain. Mais je pense que s'il y a justement la politique en ce moment vise, puisque nous devons faire des économies, l'Europe demande à l'État français de faire des économies, c'est de supprimer des fonctionnaires. Or, en l'occurrence, c'était des policiers. Mais on peut imaginer d'autres cas. Et puis après tout, on peut penser quand même au minimum que la police, elle est nécessaire pour nous protéger. Je ne veux pas rentrer dans le débat, d'accord ? Mais la police, au départ, elle est faite pour nous protéger. Eh bien, il se trouve que, comme il n'y avait que deux policiers, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on vise à supprimer des emplois. Les nouvelles technologies sont là, justement, pour supprimer des emplois, pour que ça coûte moins cher à l'État. Et donc, on supprime des emplois de fonctionnaires, comme on supprime des emplois de professeurs, comme on supprime des emplois de... Alors là, en l'occurrence, c'était des emplois de fonctionnaires des collectivités territoriales, puisque c'était des fonctionnaires municipaux. Donc, le fait qu'on ait aussi supprimé des gens, des policiers, qui pouvaient protéger la population, puisque c'est quand même leur premier rôle, peut-être même le seul... Eh bien, ça a aussi provoqué ça. Donc, je pense qu'aussi, il faut lutter contre ces licenciements au profit de nouvelles technologies qui, finalement, sont aussi faillibles que les êtres humains. Voilà. Une précision, c'est que aussi, alors, j'ai pas pu le retrouver, mais je suis sûre d'avoir lu quelqu'un qui a un témoin qui dit qu'avant le drame, il a parcouru 300 mètres sans voir un seul policier. Mais dans les médias, on nous dit qu'il y avait 64 policiers municipaux et 62 policiers nationaux et 42 policiers municipaux. Ils étaient où? C'est pour ça que moi j'en viens à la conclusion qu'ils étaient devant les ordinateurs. Et c'est pour ça que Nice, ville ultra connectée, ça arrive que bah, il n'y a plus personne sur le terrain. C'est ça le principal argument, si vous voulez. Faire des économies à ceux qui veulent en faire. Donc voilà, l'intervention est terminée pour le moment. Maintenant, est-ce que vous avez n'hésitez pas à vous rapprocher. Et est-ce que vous avez des questions, des interventions? Pareil, n'hésitez pas à vous lever la main et moi je vous passe le micro. Merci. En fait, on fait un long débat. Très sincèrement, l'exposé était intéressant. Poser des questions, ce serait ridicule. Mais il faudrait plus que nous donnions notre avis sur le sujet, plus que de poser des questions. Puisque là, il n'y a aucune question à poser. Son dossier était clair. Et lorsqu'on parle d'emploi ou de non-emploi, la question n'est pas là du tout. C'est-à-dire qu'on était encore en état d'urgence. Et mettre deux policiers lors d'un rendez-vous comme celui-ci, ça veut dire que c'était des incapables, c'est tout. Et donc, ils sont entièrement fautifs. Donc, dire que c'est comme si ton bébé est en train de jouer sur le balcon et il tombe, on dit c'était la faute du bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Oui, en fait, donc, je vais vous donner le... Ouais, attends, il n'y a pas de personne n'est mise en cause. Personne n'est mise en cause. Je dis simplement que là où nous sommes, il faut qu'on se rende compte des choses. Il faut qu'on arrête de faire au pays des oursons ou je ne sais quoi. C'est l'état d'urgence. Il y a une chose compliquée, c'est une fête nationale, je ne sais quoi, où il y a beaucoup de monde. Tu dois être en totale effervescence de protection des citoyens. Voilà. Donc, comme je redis encore, si ton bébé tombe du balcon, on va dire c'est la faute du bébé parce qu'il a sauté du balcon. Et d'accord. Donc là, il y a des gens que tu as mis en danger parce que l'état d'urgence n'a pas été respecté. C'est tout. Donc là, on est au état d'urgence depuis comment dirais-je? L'état d'urgence ne veut pas dire ne pas vivre. Ça fait 4 mois qu'on était en état d'urgence, on est tous les jours sur la place. Les boîtes de nuit sont remplies à craquer. Vous allez sur le bord du canal Saint-Martin, ils sont tous avec des bouteilles d'alcool et complètement bourrés. Donc l'état d'urgence, ça veut pas dire empêcher les gens de vivre, ça veut dire les protéger. Et les protéger sérieusement. Donc là, il y a une faute de l'État, non seulement de Nice, mais de l'État. Après, tout le monde peut dire ce qu'il en pense, mais on posait des questions là-dessus. C'est tous, faut qu'on se dise, oui, ceux qui disent non, ils sont pas coupables, expliquez pourquoi. Ceux qui disent oui, ils sont coupables, expliquez pourquoi, plus que de poser des questions. Je vais juste dire, en fait, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'en fait, le thème, c'est Nice, ville ultra connectée en échec. C'est pas Nice, l'attentat de Nice. Voilà. Donc peut-être que madame peut répondre. Ce que je voudrais simplement dire, c'est pour en savoir plus sur ces questions de le monde dans lequel ils veulent nous faire vivre, l'entonnoir dans lequel on est en train de nous mettre avec tous les objets connectés partout. Moi, je vous recommande la lecture de ces deux livres et donc les dangers du coup que ça représente pour nous et pourquoi il faut résister contre ça, parce que c'est plus ça en fait, je pense, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on résiste à ça. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qui nous prépare, qu'est-ce qui est en cours de préparation. Donc il y a L'homme nu, la dictature invisible du numérique de Marc Duguin et Christophe Labbé qui explique qu'est-ce que c'est que le big data. Le big data, c'est exploiter toutes les traces numériques qu'on va laisser. Alors ça commence par la carte de fidélité qu'on peut avoir dans un magasin, les achats qu'on fait en carte bancaire, les vidéos, oui, parce que... Ah, le passe Navigo, pardon, oui, alors là-dessus j'ai deux choses à vous raconter, je vais vous les dire. Les déplacements avec votre portable géolocalisable, les emails que vous envoyez, puisque même, par exemple, Gmail, Google considère normal de lire vos emails. Je vais vous lire un petit extrait de ce livre sur les e-books. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui utilise les e-books. Non, personne. Bon, vous avez bien raison, parce que vous voyez, les e-books sont truffés de logiciels espions qui scrutent vos habitudes de lecture. C'est ainsi qu'en décembre 2014, le fabricant de la tablette Kobo, l'un des leaders mondiaux du secteur, partenaire en France de la Fnac, annonçait, après avoir mouliné sa base de données de 21 millions d'utilisateurs, que seuls 7,3% des lecteurs qui avaient acheté le dernier Zemmour l'avaient lu jusqu'au bout, et qu'un tiers de ceux qui avaient téléchargé le livre de Valérie Trierweiler en version numérique s'étaient arrêtés avant la fin. C'est pour vous dire la précision. Ils savent ce qu'on... Même c'est les passages qu'on passe, qu'on saute. Donc vraiment, je vous encourage à lire ce livre parce que on n'imagine pas en fait tout ce qu'ils peuvent faire et les milliards que les patrons des GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, ils mettent des milliards pour développer ces algorithmes. Il y a des gens des fois qui pensent que oui, ils ont toutes les données mais ils savent pas quoi en faire. C'est totalement faux. Et ce qu'ils font, c'est du profilage. Le profilage, qu'est-ce que c'est? C'est déterminer qui vous êtes à partir de toutes ces traces numériques que vous laissez. Je vais vous raconter deux anecdotes. Donc c'est une personne qui a témoigné devant moi. Donc elle a une amie qui était en procédure de divorce. Vous avez parlé du pass Navigo, c'est ça qui m'y fait penser. Avec un agent de la RATP, mais un agent qui était assez subalterne, en tout cas qui n'était pas derrière les ordinateurs. Qu'a fait cet homme? Il a demandé à un collègue de sortir tous ses déplacements passe Navigo pour prouver au juge que c'était une mauvaise mère, parce qu'après le boulot, elle rentrait pas directement chez elle, elle partait faire des séances de yoga dans le 15e et ceci, cela. Le juge a retenu ses pièces, alors que le gars, il avait frappé cette femme, il avait cassé deux fois la mâchoire, il lui a donné les enfants. Elle a dû faire appel, changer d'avocat, parce que normalement, il suffisait que l'avocat soulève le fait que les pièces étaient irrégulières et qu'il ne pouvait pas s'en servir. Donc, elle a pu, en fait, avoir la garde de ses enfants en appel. Mais c'est pour vous dire que si elle n'avait pas eu de la ressource, eh bien, elle perdait ses enfants. Alors que le type était violent, en plus. Et l'autre anecdote que m'a raconté cette personne, qui est enseignante, c'est que, elle, pour diverses raisons, elle fait tous ses achats en espèces. Elle ne se sert de sa carte bancaire que pour retirer de l'argent. Eh bien, au moment de renouveler sa carte bancaire, le conseiller a dit qu'il voulait pas, il pouvait pas le faire. Alors, elle dit, mais pourquoi? Et il répond, c'est parce qu'on peut pas faire votre profil. Alors, elle était super surprise, évidemment, parce que quand vous faites des achats, eh bien, en fait, ils en déduisent des choses sur vous. Mais comme ils n'ont pas le droit de le faire, il était gêné de lui dire. Mais elle, heureusement, étant enseignante, elle avait de la répartie. Alors, elle lui a dit, mais est-ce qu'il y a des incidents de paiement sur le compte? Il a dit non. Est-ce que vous recevez bien tous les mois mon salaire de 1 547 €? Il a dit oui, donc il lui a quand même renouvelé la carte. Mais c'est pour vous dire jusqu'où ça va et surtout savoir que vous sachiez que votre banque a fait la même chose avec vous. C'est ça qui est important. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils en font? Ben, le bouquin explique, c'est vendu par exemple à des sociétés d'assurance ou des choses comme ça. Et il prévoit en fait dans le monde futur qui nous prépare que votre comment on appelle ça, votre montant de que vous devez payer votre assurance, eh ben il sera en liaison avec votre mode de vie. Si vous passez votre temps chez McDo et à fumer, etc., vous allez avoir une prime d'assurance plus élevée. Alors ça, c'est dans ce bouquin-là, Cyberfragile, enquête sur les dangers de nos vies connectées, que je vous recommande aussi. J'ai pas encore tout à fait fini, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Et de voir aussi toutes les failles de ce dispositif, parce que c'est là où on voit que de toute façon, c'est un monde, effectivement, ils le préparent, mais ils le maîtriseront jamais. C'est un monde super dangereux, même sur le plan technique. Il y a des pannes, des trucs comme ça, les failles avec les pirates qui peuvent s'introduire et faire un blackout, des choses comme ça. Et alors donc, l'une des choses qui se prépare aussi par rapport à ça, c'est donc utiliser ces données pour décider, par exemple, si vous avez un cancer, mais on va peut-être pas vous soigner parce qu'on saura par ailleurs que vous êtes fumeur et que vous voyez des choses comme ça. Donc, pour des critères, en fait, définir des critères pour certaines décisions qui nous seront... Et par rapport à ces histoires de soigner, je peux vous dire que c'est vrai, qu'on soigne plus tout le monde maintenant. C'est un sénateur qui me l'a dit. Je suis allée le voir à l'époque où il y avait les drones sur les centrales nucléaires. J'avais envoyé des mails à tous les députés et les sénateurs. Et il m'a dit, venez me voir. Et il m'a dit que sa femme... D'accord, je finis ça et je donne le micro. Quoi ? Et donc, il m'a dit que sa femme est cancérologue. Et donc, elle lui a dit, voilà, aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de soigner tout le monde. Et donc, alors je dis, mais en fonction de quels critères ? Là, il n'a pas répondu. Par contre, il m'a dit pour la Grande-Bretagne, mais là, c'est connu, tout le monde le sait. Si vous êtes fumeur et que vous avez un cancer du poumon et que vous continuez à fumer après le diagnostic, les soins ne seront pas remboursés. Et alors, moi, ça m'a vraiment frappé parce que j'en ai parlé à une personne qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un de 64 ans qui avait un cancer du poumon. Et au début de son traitement, elle perdait ses cheveux. Mais après, elle perdait plus ses cheveux. Donc, est-ce qu'on lui donnait un placebo? C'est-à-dire, on faisait semblant de la soigner. Je sais pas, enfin c'est une hypothèse que je fais, mais en tout cas ce qui est grave c'est qu'en France c'est déjà en cours ce truc-là, qu'on n'a plus les moyens de soigner tout le monde et personne ne le sait, et personne ne sait en fonction de quels critères les décisions sont prises, et personne ne sait comment ils le font, parce que tout le monde qui a un cancer, il suit un traitement, mais est-ce que c'est un traitement placebo, est-ce qu'on fait semblant, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super grave de savoir que, voilà, et là c'est bon, c'est un sénateur qui me l'a dit et sa femme elle est cancérologue, donc je peux pas, absolument pas mettre en doute ce qu'il a dit. Voilà. Donc on va, ouais bon, okay, on va vous et après je vous passe le micro. Oui, j'ai pas tellement suivi le fil parce que ça partait de Nice et après c'est parti sur d'autres choses. Ben à Nice, alors il y avait pas de police. Mais alors, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a quelqu'un qui a parlé, donc ça m'a coupé le fil. Donc, à Nice, il y avait soi-disant pas de flics. Ben alors, quand il y a les manifestations contre les lois du travail, là, il y a des flics. Quand hier, il y avait une manifestation à Châtelet-Léal contre un Africain de banlieue qui a été tué, là, ils ont mis des flics pour contrôler. Donc, mais ne m'interromps pas, s'il te plaît. Donc, écoutez ce qu'ils sont en train de dire, visiblement. C'est pas lui, non, c'est pas lui. Non, non. J'ai pas très bien compris. Donc, un enfant de 4 ans qui a été perdu dans le quartier avec un t-shirt bleu et un short jaune. Pour ceux qui étaient là en début d'après-midi, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est l'enfant qui jouait avec Kevin, autour de Kevin, qui était avec nous en début d'après-midi, mais on n'en est pas sûr. Mais voilà, j'ai... Mais non, c'est pas rouge et bleu, c'est t-shirt bleu et short jaune. C'est t-shirt bleu, short jaune, environ 4 ans. Voilà, bon. Je sais pas. C'est pas un jeune et bleu. Et puis c'est un gars qui l'a pris, qui est parti par là avec. J'ai pas plus d'informations. Quelqu'un de debout, ça. Et du coup, on va repartir sur le sujet. Donc, je vous rappelle que c'est NIL, ville ultra connectée en échec. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Alors, il y a pas de flic à Nice. Il serait derrière leur ordinateur. Ça reste à prouver. Quand ils veulent être là, ils sont là. Hein. Et donc... Ah, je suis perturbé quand quelqu'un parle en même temps que je parle. Ben, la police peut parfois avoir des propos sensés, puisque là, elle intervient pour un jeune homme qui a disparu. Mais il aurait été bien que la police soit là à Nice. Je comprends pas comment elle a pu être absente et comment on a pu laisser un homme foncer avec sa voiture sur 80 personnes avant que la police ait eu le temps d'intervenir. Voilà, ça sera tout. Hein. Est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux... Non ? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de flics à Nice, c'est que il n'y a pas de flics au milieu de la population, c'est ça que je dis. Hein, voilà. Pourquoi je dis d'éviter de poser des questions, c'est parce que elle, c'est une fille très intelligente, je la connais, et en fonction de nos pensées et de nos idées, elle va savoir répondre et même aller plus loin dans son... Dans son on n'est pas obligé de faire l'école comme on nous a appris à l'école, on peut inventer des nouvelles façons d'avancer tous ensemble. Et donc, lorsqu'on revient à cette question de Nice, excusez-moi, mais la place de la République est une place connectée. Les gens qui savent pas ça, et elle est filmée de partout, de ci, cela. Tous les jours, il y a des gens qui sont agressés, tous les jours, il y a des fois des gens qui sont violés, il y a des gens qui font voler, qui se font racketter leur portable par les mêmes personnes tous les jours, je sais pas si vous avez remarqué. Ça fait 4 mois qu'on est ici, c'est les mêmes personnes tous les jours qui volent les portables. Et donc la place, elle est filmée tous les jours. Donc on a vraiment un problème intrinsèque avec cette situation de qu'on appelle ça de modernisation du vivre ensemble. Et c'est le même problème qu'on arrive à Nice. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. La police, vous l'avez vu, au moment où on a porté plainte pour la perte de l'enfant. La place est filmée H24. L'enfant était là en train de jouer, mais il n'y avait personne pour le protéger. Personne pour participer au vivre ensemble. Et donc ce problème de Nice, c'est un problème global. Comme on est en France, on va parler de la France, mais ça serait vraiment bien que chacun de nous, on donne notre vision de la chose, et comme ça permettra à l'intervenant de développer plus. Là, on dépasse le phénomène des questions, parce que là, il y a vraiment un gros problème concernant cette donnée. Pour ceux qui sont sur la place de la République depuis 4 mois, je ne sais pas si vous voyez des policiers, à part quand il y avait les CRS ou je sais pas quoi pour foutre la merde, mais vraiment, on est dans une situation où... On peut être agressé ici tous les jours par les mêmes personnes et il se passera jamais rien. Et pourtant, la place est filmée tous les jours. Donc, moi, je répète, hein, vous avez le droit de poser des questions. Voilà. Oui, alors moi, je voulais dire que vous posiez effectivement un problème très important. Il me semble que effectivement l'ultra connecté, ça pose un problème. Et c'est vrai que plus largement... Bon, moi, je voulais juste dire au départ, moi, je voulais pas avoir de carte bancaire, par exemple. Donc, j'ai duré le plus longtemps possible pour ne pas en avoir. Et au bout d'un moment, on peut plus. Donc, en fait, on nous amène petit à petit dans une situation auquel on n'a pas réfléchi, auquel on nous met pas devant le nez là où ils veulent aller dans 200 ans. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont prévues bien longtemps à l'avance, dont on n'a pas toutes les données, et on nous les donne quand on a bien envie de nous les donner. Mais le problème, moi, que je voulais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toute la partie sociale, tout ce qui nous concerne, nous, le peuple européen, et peut-être plus largement, justement, on a, il y a aucune projection, c'est-à-dire qu'on nous demande pas dans quel monde on veut vivre, comment on veut vivre, et la partie sociale n'existe pas du tout. En fait, donc on n'est que sur des stratégies qui sont toujours liées au capital, à l'argent et ainsi de suite. Et effectivement, c'est dans leur propre intérêt. Mais que peut-on faire aujourd'hui pour que on puisse décider en fait de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas? Parce que pour l'instant, ça se fait sans nous. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez, parce que moi, je suis. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on ne nous demande pas notre avis. Et la sensation qu'on a, c'est au contraire d'être mis dans un entonnoir. Mais ce n'est pas pour dans 200 ans, par contre. Regardez rien qu'à la poste. Quand vous allez à la poste, avant, vous vouliez envoyer un recommandé, c'était une personne qui le faisait. Maintenant, on vous envoie vers les machines. Alors, au début, c'était que pour les lettres simples. Après, c'était pour les recommandés. Maintenant, c'est pour les colis. Et donc, il y a de moins en moins de gens. À chaque fois, ils font des travaux, ils ferment la poste pour plusieurs mois. Pendant ce temps-là, vous êtes bien emmerdés. Quand vous revenez, il n'y a même plus d'argent au guichet. Vous devez aller aux machines. Si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, on est mis dans des entonnoirs. Et ça va très vite, ça va beaucoup plus vite. C'est pas pour dans 200 ans, je pense pas. C'est pour dans 5 ans, peut-être. Il nous met vraiment dans un entonnoir avec... On n'a plus de choix. Et souvenez-vous quand même, les sociétés occidentales, soi-disant, c'était la liberté, le choix, hein, par rapport au monde communistes. Et maintenant, en fait, ils sont en train de nous mettre dans des entonnoirs où on n'a plus de choix. Alors, par rapport à comment faire pour ne pas être surveillé, je vais vous dire comment moi je fais. Je fais déjà comme cette dame, j'ai pas de carte bancaire. C'était pas un choix au départ, c'est parce que j'ai trop dépensé, donc on me l'a enlevé. Puis finalement, je me suis aperçue que juste avec une carte de retrait, eh ben, je fonctionne comme ça. Une carte de retrait. Et puis tout ce que j'achète, j'achète en espèces. Après, j'ai pas de téléphone portable. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça fait 15 ans que j'enquête sur les téléphones portables, les effets des antennes relais, des ondes, etc. Je peux vous assurer que si tous, autant que vous êtes, vous en saviez autant que moi sur ces trucs-là, vous préféreriez vous en passer. C'est un chercheur qui s'appelle Ole Johansson, qui est un chercheur suédois de l'Institut Karolinska en Suède. Il m'a dit une fois, si les gens savaient ne serait-ce que 10% de la vérité sur les portables, ils préféreraient s'en passer. Et je pense vraiment que c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que tout le monde sait que c'est dangereux, mais on continue quand même à l'utiliser. Mais c'est dangereux pour la santé, mais c'est aussi dangereux, maintenant on s'en aperçoit, pour notre liberté, puisque avec les données qu'ils vont récolter sur nos grâce à nos portables, eh ben, ils vont nous mettre dans ces entonnoirs où c'est notre liberté qui va aussi être attaquée. Donc voilà. Attendez, je finis sur les solutions. Vous allez dire c'est trop radical. Comme je travaille sur la question de la téléphonie mobile, j'ai même dû à un moment donné me séparer même de téléphone fixe. Mais c'est parce que je savais que j'étais super écoutée. J'ai fait même un CD audio sur la question. La surveillance par les portables, peut-on y échapper? Bon, ça, je dis pas qu'il faut vivre sans téléphone du tout. Mais par contre, avec un portable, il y a tellement d'autres choses qu'on sait sur vous, parce que vous allez maintenant vous connecter sur Internet, vous allez envoyer vos emails, etc. Et le portable, il est vraiment nominatif. Alors que si vous avez un téléphone unique pour une famille, déjà, ça les emmerde, parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. Donc moi, j'invite aux solutions un petit peu radicales comme ça, parce que effectivement, on va dire, oui, je le sais. Mais si on continue, ça sert à rien de le savoir. Voilà. Non, c'est juste pour signaler que le petit garçon Lucas a été retrouvé, voilà, c'était juste pour rassurer. Du coup, donc il y a toi, ensuite Adèle et madame, je sais pas, on va voir parce qu'il est bientôt 18h, je sais pas comment on va faire. Ok. Je vais essayer d'aller vite. voilà. Je vais essayer d'aller vite, je comprends tout à fait le débat, hein. Je suis l'un des premiers à dire aussi que le numérique peut avoir ses dangers, que l'hypersurveillance c'est pas bon, l'affaire Snowden et tout ça, on comprend tout à fait, hein. Faut aussi peut-être mettre certaines nuances. Alors par exemple, je vous l'avais dit tout seul peut-être, mais là je le dis devant tout le monde, c'est pas parce qu'une personne arrête de perdre ses cheveux alors qu'elle est sous chimio qu'on lui donne un placebo, c'est un impact pour le médecin qui est énorme. Ça voudrait dire qu'il lui ment, quoi. Alors, si elle était dans un test et qu'on lui donne un placebo et qu'on les prévient, une personne sur deux aura un placebo, oui, c'est normal. Mais bon, le corps humain est tellement fait de particularités que tout le monde ne réagit pas pareil et pas forcément à la même dose. Donc, dire que les médecins se sont ligués et ont décidé de soigner certains et pas d'autres... Non, faut pas applaudir, c'est pas une voûte. C'est juste pour dire que si on est médecin, enfin moi je suis pas médecin, mais j'imagine que ils ont quand même une déontologie très forte, ces gens-là, et qui essaient de soigner, de sauver des vies et leur mentir, à moins que la personne soit en phase finale et qu'ils savent qu'elle va mourir et que là ils ont pas envie de lui dire et qu'ils lui donnent quelques médocs, voilà, pour lui dire non, continue, pour lui laisser espoir, je sais pas. Mais il y a tellement de cas différents, quoi. On peut pas dire, voilà, les médecins ont arrêté de soigner les gens et décide de qui va vivre ou va mourir sans aucune raison. On sait pas, ça, c'est trop compliqué. Et ensuite, sur l'hypersurveillance de Nice, alors, peut-être qu'il y a des études qui ont montré que la lumière éclairait une place et la filmer réduisait la délinquance sur cette place. Moi, j'ai vu ça. Je sais pas si c'est vrai, hein, je suis pas spécialiste, hein, mais peut-être que c'est bien. Après tout, pendant les attentats à Bruxelles, on a réussi à trouver des terroristes grâce aux vidéosurveillances. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mal, peut-être que trop c'est mal. Il faut savoir ce qu'on en fait, quoi. C'est la démocratie. Moi, filmer une place pour trouver des voleurs, des terroristes ou autre chose, ça peut être intéressant si ça fonctionne, et je pense que ça fonctionne. On peut avoir des infos. Si c'était pas filmé, on n'aurait pas vu qu'il y avait un troisième terroriste qui avait laissé un bagage dans l'aéroport de Bruxelles et que finalement il n'était pas à côté du bagage alors qu'il a sauté et on a retrouvé l'homme au chapeau. Peut-être. L'homme au chapeau, c'est le terroriste de Bruxelles qui s'était caché sous son bob et des lunettes, qui avait laissé un bagage qui finalement n'avait pas explosé et qu'ils ont finalement retrouvé et qui est d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont ramené en France ou s'ils vont le ramener en France, enfin bon. Ouais, c'est l'homme au bob, ouais. C'est un des trois terroristes de l'aéroport de Bruxelles. L'un des trois qui n'est pas mort. Ainsi de suite. Voilà, je vais juste finir en disant que ça, peut-être que c'est mal, peut-être que c'est bien, ça fonctionne sous CPL, c'est un produit qui permet à ERDF de ne pas envoyer des personnes relever vos compteurs, il ne sert pas qu'à ça, oui, il vous surveille peut-être combien vous consommez d'électricité, d'accord, mais peut-être que ça peut être super bien écologiquement aussi, parce que, non, mais peut-être que vous avez, d'accord, non, mais, ça... attendez, laissez-moi finir, ensuite vous allez dire non. Je suis d'accord avec le non, mais il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que, oui, vos renseignements, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas d'études à long terme sur CPL qui existent depuis très court terme. Ça fait pas 10 ans qu'ils ont sorti le produit. On ne connaît pas les conséquences. Après tout, les ondes radio, qu'elles soient dans des fils électriques ou dans les airs, peut-être qu'elles ont les mêmes conséquences. Je ne sais pas si vous êtes plus enfermé que moi. Je ne suis pas scientifique. J'essaie juste de vous dire que ça, peut-être, que ça va pouvoir nous permettre d'anticiper les relances au niveau des réacteurs nucléaires ou pas. Et donc d'éviter de faire fonctionner certains barrages, certains appareils nucléaires, certains centrales nucléaires à plein pot, alors qu'on sait que la demande, elle est minime, et ça nous donne une information sur le réseau qui nous permet de nous adapter en temps réel, et peut-être que ça va nous permettre de produire un petit peu moins de nucléaire, ce qui est là énormément toxique et ce qui me fait chier personnellement. Voilà, je dis juste ça. Donc je crois que c'est madame qui va vous répondre. Oui, je voulais répondre pour confirmer donc les propos de la copine qui est passée là. Moi, c'est ma pneumologue hein, qui m'a carrément dit que on ne soignait pas tout le monde. On ne soignait plus tout le monde. Alors attends, écoute, pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est des mesures économiques. Hein. Après, moi, je pense que le problème, il est même pas de leurs critères, pour moi, leurs critères, de toute façon, ils seront évalués sur les catégories sociales. Hein. Il y a une catégorie sociale, de toute façon, on lui fait vivre la misère et la merde. De toute façon, qu'elle n'ait pas les moyens de se soigner après, on n'en a rien à foutre. Et donc, la pneumologue m'a dit ça. Donc, moi, je suis allée à l'hôpital à côté de chez moi, puisque je suis suivie en pneumologie. Et donc, ils ont fait des difficultés, or que ma pneumologue avait remarqué sur mon scanner. En fait, mon scanner, elle était très bien. Pour l'hôpital. Ma pneumologue, elle me dit non. Je dis, bah alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez lire un scanner et pas eux. Bref, elle me dit, de toute façon, on ne soigne pas tout le monde pour des mesures économiques. Elle est barre, hein, d'ailleurs. Et quand je suis allée à l'hôpital d'Argentin, j'ai fait un scandale pour obtenir mon rendez-vous, quoi. Et parce que la pneumologue, j'ai dit, non, moi, je décroche pas d'ici tant que j'ai pas mon rendez-vous. Parce que je dois être suivie. Mais en fait, si je ne l'avais pas rencontré, cette nénette, moi, on me disait que mon scanner était parfait. Or qu'il n'est pas parfait. Il y a trois traces de... Voilà, c'est tout. Donc, je pense ce que la dame a dit, j'y crois. Bon, déjà par rapport à ça, mais je pense aussi qu'on est dans une élimination organisée d'une partie de la population. Donc, elle s'élimine de différentes façons. Elle s'élimine en lui faisant vivre, par exemple, la pauvreté, la galère du soin, de bouffer dans des Lidl ou quand t'as pas de thunes. Oui, ben c'est des gens, ils fabriquent de la maladie et après on les soigne pas. C'est les dents. Voilà, faut regarder un petit peu ce qui se passe pour une certaine catégorie sociale. Et je pense qu'on n'en a rien à foutre que ces gens-là, ils meurent à petit feu. Voilà, donc... Voilà, j'ai pas préparé, donc je le dis comme ça, mais ça fait quand même... C'est par rapport à ce que je vis. Moi, je suis très proche, voilà, par rapport à ce que je vis, puis par rapport à ce que je partage aussi avec d'autres personnes, quoi. Écoutez, juste, je voudrais quand même dire, parce que je confirme ce qu'elle dit, je ne la connais pas spécialement, mais tout le monde sait, je confirme ce que vient de dire madame, elle a donné des exemples peut-être personnels, mais on sait qu'en ce moment, il y a une restructuration des hôpitaux, c'est dit dans tous les journaux. Hein. Donc, bien sûr, les moyens sont de plus en plus limités, et effectivement, alors c'est pas une politique peut-être pauvre-riche, mais c'est la même chose quand même. C'est qu'en fait, on ne peut plus, on veut que la médecine... La santé, comme l'éducation, qui étaient encore des endroits préservés, qui n'étaient pas privatisés, il faut que là aussi ce soit marchandisé. Alors effectivement, ceux qui n'auront pas les moyens de se payer ou l'éducation ou de se soigner, seront laissés sur le carreau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est sûr. Allez, et du coup, une réponse pour toi. Alors, ce qui est super... Voilà. Donc, on va plus soigner tout le monde. Et justement, on va utiliser les big data pour savoir qui ne pas soigner. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et le Linky, c'est l'un des éléments du big data. C'est le patron de ERDF, renommé Enedis, qui fait le déploiement du big data, qui l'a dit le 2 février devant l'Assemblée nationale. Il a dit « ERDF est opérateur de big data ». Donc, ils vont se servir de ce compteur espion qui transmet toutes les 10 minutes ce que vous êtes en train de faire avec vos appareils électriques, hein, parce que votre donnée de consommation, elle est transmise toutes les 10 minutes. Donc, à chaque instant, à l'extérieur de chez vous, il y a quelqu'un qui sait ce que vous êtes en train de faire. Et donc, ça va élargir encore les possibilités du big data, évidemment. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles lutter contre le Linky. Vous avez évoqué le fait que ça évitera de rallumer les centrales nucléaires. Pour avoir ce pilotage de la consommation, il suffit d'avoir les données au niveau des transformateurs électriques. On n'a pas besoin de remonter jusqu'aux individus. Hein. Donc, tous les arguments pseudo-écologiques sont complètement faux. Notamment, il faut savoir que ça va faire jeter 35 millions de compteurs à la poubelle alors qu'ils fonctionnent. Enfin, à la poubelle, ils prétendent qu'ils vont les recycler, mais bon, c'est n'importe quoi, autant laisser des trucs qui fonctionnent. Donc, il y a écologiquement, si vous voulez, tous les arguments sont des faux arguments. Après, les arguments contre le Linky, c'est qu'ils provoquent des pannes, des incendies, l'augmentation de toutes les factures. 30% de vos factures, aujourd'hui, c'est les taxes. Et les taxes, c'est pour, entre autres pour payer le Linky. Le Linky est financé par le TURP, qui se retrouve sur votre facture sous le nom CTA. Alors regardez sur votre facture, sur vos factures, vous verrez que l'ensemble des taxes a été multiplié par 6 en 6 ans. Quand ils nous disent qu'il y a 2,5% d'augmentation de la facture d'électricité, en fait, à côté de ça, il y a eu plus 30% d'augmentation de toutes les taxes. Donc c'est là-dessus que ça joue. Et vous pourrez vérifier sur vos propres factures si vous avez la même consommation, vous payez plus cher maintenant. Et si vous avez réduit votre consommation, bah vous payez quand même le même prix parce qu'il y a eu cette augmentation des taxes. Donc, le Linky, il n'y a que des inconvénients pour nous. On peut le refuser puisque la loi qui instaure son déploiement ne prévoit pas de sanctions en cas de refus. Il est déjà en cours de déploiement dans le 10e et le 11e. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui habitent dans ces arrondissements, non? Bon, dans le 19e, ça commence. Donc, à Paris est visé, comme toutes les villes de France. Hein, et donc, ils veulent en remplacer 35 millions. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'entrer dans la lutte contre le Linky, dans la résistance contre le Linky. C'est une façon d'entrer dans la résistance contre cet entonnoir dans lequel ils veulent nous mettre. Parce que vous demandiez qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien, lutter contre le Linky, c'est refuser tout ce truc derrière qui vient, le monde connecté. Alors, j'ai vu que vous leviez la main, mais il y a des gens qui attendent depuis plus longtemps. Donc, je vais... voilà. Chacun son tour. J'essaie d'être assez rapide. C'est vraiment pour rebondir sur la première partie de votre intervention. Et ça pose la question, en effet, toutes ces choses, toutes ces connexions, à qui ça sert? Est-ce que, au fond, c'est vraiment utile, même pour ces gens-là? Un exemple que je voudrais donner, c'est ce qui se passe aux États-Unis au niveau des patrouilles policières, parce qu'il y a un algorithme qui a été mis en place, je crois que ça fait maintenant plus de 10 ans, et en fait, qui s'appuie sur le fait qu'ils doivent passer dans certains secteurs où il y a déjà eu des soucis, et donc ils doivent tourner autour un certain nombre de fois. Sauf que, à force d'utiliser cet algorithme, en fait, ils ont donc déjà diminué le nombre d'effectifs, bien sûr, parce que c'était un des buts de l'utilisation de cet algorithme. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on leur demande d'aller là où l'algorithme leur dit d'aller. Et c'est comme ça qu'ils gagnent, alors je veux dire gagnent des points, c'est pas ça, mais c'est comme ça qu'ils sont, évalués, d'une certaine façon, vous avez compris quoi. Et donc du coup, le souci, c'est que, comme vous le disiez d'ailleurs au début, la question c'est plus qu'est-ce qui se passe sur place, puis alors là on est encore très loin du fait de discuter avec les gens et de voir ce qui va pas, la question se pose même plus, ça c'est sûr, mais c'est surtout que c'est donc l'algorithme qui leur dit où aller, et eux, pour prendre des points, ils vont où l'algorithme leur dit d'aller, et donc ils ont une performance, c'est ça le mot que je cherchais. Pour calculer leur performance, il faut qu'ils aillent au plus d'endroits où l'algorithme leur dit d'aller. Mais c'est complètement fou, en fait. Et en plus, ça marche pas. Enfin, voilà, c'est le genre d'exemple. Et je ne sais plus exactement d'où cet algorithme vient, mais de quelque chose qui n'a rien à voir. Ça me revient. Ça vient pour les éruptions volcaniques. C'est sur cet algorithme-là qu'ils se sont basés pour le faire sur les patrouilles policières. Donc c'est exactement aussi ce que vous disiez au début. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est sur le terrain, qui crée quelque chose pour que ça serve aux personnes sur le terrain. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. et qui est reproduit dans une logique du coup plutôt économique. Alors est-ce que tu veux répondre ou est-ce que je prends une autre question ? Je veux juste dire, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est les machines qui prennent le pouvoir sur les gens. Et par rapport à la sécurité, ils privilégient ça plutôt que, par exemple, les îlotiers. À un moment donné, il y avait des îlotiers dans les quartiers. L'avantage de l'îlotier, c'est qu'il connaît tout le monde, mais aussi, il peut calmer des gens. Vous voyez ? Donc là, il y a la prévention. Le fait qu'il y a quelqu'un qui représente l'autorité, qui s'intéresse à une personne qui voudrait un petit peu, enfin, voyez, qui le calme parce qu'il y a une bonne relation avec lui, c'est un représentant de l'État, mais qui a une bonne relation avec les personnes. Donc ça calme les gens, ça fait de la prévention, ça évite les problèmes. Alors qu'avec ce système de surveillance, on va jamais éviter les problèmes. On pourrait éviter éventuellement, comme ça s'est passé à Nice, on sait que le camion il est passé 3 fois, ok, voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas empêché l'événement d'arriver. Le problème des objets connectés, du tout connecté, c'est que ce n'est que du commerce. C'est uniquement commercial, et le drame de Nice a montré les limites de ce tout connecté, parce qu'effectivement, on ne peut pas remplacer des hommes avec un objectif de sécurité par des connexions informatiques. Ces connexions informatiques donnent une illusion du zéro erreur, parce qu'on se dit c'est un algorithme, c'est mathématique, c'est informatique, ça ne peut pas se tromper. Et ce qui s'est passé à Nice, c'est qu'on a enlevé des hommes. Estrosi s'est certainement fait séduire par cet argument du zéro erreur, zéro échec, c'est pas possible, tout est contrôlé. Il y a aussi l'argument forcément économique de je mets moins d'hommes, donc tout ça me coûtera beaucoup moins cher. Et puis l'illusion d'être avant-gardiste. Et là, paf, le drame de Nice. Et c'est certainement la raison pour laquelle la direction antiterroriste a demandé à la mairie de supprimer toutes les preuves et de supprimer toutes les vidéos de tout ce qui avait été filmé sur la promenade des Anglais. Et ça a fait un buzz parce que la responsable du service informatique a refusé. On lui a demandé d'envoyer des versions de son rapport modifiables pour qu'on puisse les modifier sans tout retaper. Elle a regimbé, elle l'a fait savoir. Enfin bon, là on voit bien qu'effectivement il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'effectifs policiers sur la promenade des Anglais, et que enfin le pouvoir politique est en train de prendre conscience que s'il n'y a pas d'hommes, la sécurité est quand même beaucoup moins assurée. Donc le tout connecté, c'est certainement très utile dans un objectif commercial, dans un objectif de gestion de clientèle, mais quand il s'agit de la sécurité des populations, il faut oublier. Et j'aimerais rebondir exactement sur ce que disait madame à propos des cartes bancaires. Elle disait que ça va se produire dans 200 ans, on ne sait pas quel est leur objectif. C'est beaucoup plus proche que ça. L'objectif qu'ils ont est de supprimer la circulation des espèces d'ici 4 ou 5 ans. D'ici 4 ou 5 ans, on va faire en sorte qu'on ne se serve plus des espèces. Parce que ça leur coûte cher à fabriquer. Fabriquer des billets, fabriquer des pièces, c'est cher, d'une part. Donc ça fera des économies aux banquiers. Et puis d'autre part, si tout est virtuel, si tout passe par votre carte bancaire, par votre chéquier, par des virements, on contrôle tout ce que nous faisons. Et là, on est mort. Parce que la dernière liberté individuelle, c'est ce que je fais de mon argent. Et ils vont même savoir si je vais acheter une baguette ou deux. Et dans quelle boulangerie je vais l'acheter. Et à quelle heure je l'achète. Et si c'est du pain bio ou si c'est du pain complet. Tout va être tracé. Et ça, c'est vraiment notre dernière liberté. Il faut trouver le moyen de lutter contre ça. Alors quand on voit qu'on a lutté 4 mois sans succès contre la loi El Khomri, comment faire ? Si les banquiers tous unis ensemble au niveau de l'Union européenne décident que les espèces c'est terminé et qu'ils en fabriqueront plus et que de toute façon il y a suffisamment de moyens de paiement pour remplacer les espèces, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, François Hollande ou Manuel Valls? Ce sont que des pantins, c'est pas eux les responsables de cette situation. On est devenus les salariés, les sujets d'une immense multinationale qui s'appelle l'Union européenne. Et la multinationale, elle est là pour faire des profits, point barre. Donc il va falloir penser une solution au niveau européen pour sortir de là. On est dans une nasse. On était dans des nasses chaque fois qu'on a manifesté. Bien là, on est dans une grosse nasse. Vous voulez réagir? Non. Donc je vais prendre madame parce que ça fait longtemps qu'elle attend, la pauvre. J'ai... Bonjour Annie. J'ai juste deux questions différentes. Une, c'est par rapport au compteur là. Quand on habite dans un lieu, disons des appartements, comment tu peux pas résister individuellement au compte les mettre? Je sais pas, c'est une question. Et la deuxième, c'est dernièrement j'ai entendu à France Info qui a eu des études assez poussées sur les effets des ondes des téléphones et des tablettes et tout ça sur les enfants, sur les cerveaux des enfants. Et il y avait quelqu'un d'une association, je ne me rappelle pas laquelle, disait s'il vous plaît, ne donnez pas, ne mettez pas à côté les enfants et jamais de la vie qu'ils aient un appareil comme ça avant 13 ans. Je ne sais pas si tu sais quelque chose de plus, mais j'ai entendu, c'était une fois qu'ils sont passés à la radio seulement. Juste pour vous dire que là, ça va être la fin, parce que la prochaine intervenante, elle attend là. Donc, on va peut-être poser la question, est-ce que tu es prête à revenir pour rediscuter de ce sujet-là plus tard? Alors oui, bien sûr, je peux revenir pour parler du Linky, mais je vous invite aussi à venir le jeudi 8 septembre à La Parole Errante à Montreuil, à 18h, il y a une grande soirée, grande réunion contre Linky, avec justement aussi toute la question du Big Data qui sera présentée par les auteurs. Donc je vous invite à mettre ça déjà dans votre agenda pour avoir toutes les réponses, mais brièvement, la lutte contre Linky, justement, elle est collective, parce que justement, on ne peut pas lutter individuel, donc il faut prévenir tous ses voisins, faire la lutte collective. Et concernant les effets des ondes sur les enfants, quand on vous dit pas de portable avant 13 ans, mais bon, quelle différence il y a entre un cerveau de 13 ans et de 14 ans? C'est pas de portable, voilà, pas de portable, tout simplement, pas de portable. Ça, c'est ma réponse. Bon voilà, du coup, je suis désolé, on va devoir clôturer là-dessus parce que c'est la prochaine intervenante va venir nous présenter son sujet. Et voilà, on peut l'applaudir, c'était très intéressant. Et Adèle va passer avec la boîte à dons, n'hésitez pas à mettre de l'argent dedans autant que vous voulez. Et je tiens à vous préciser aussi que vous pouvez venir nous rejoindre, vous pouvez venir nous voir si vous avez des interventions à donner. Nous on est très ouvert et puis vous pouvez venir exposer tous les sujets que vous voulez. Il suffit de parler pendant 20 minutes pour exposer votre sujet et ensuite pendant les 40 minutes suivantes les gens réagissent et posent des questions sur le sujet que vous avez présenté. Voilà.